Cherchez donc un asile dans des occupations plus tranquilles, plus sûres, plus hautes. Veillez à ce que les arrivages du blé s'effectuent sans fraude, à ce qu'il soit soigneusement emmagasiné dans les greniers, de peur qu'il ne s'échauffe ou qu'il ne se gâte par l'humidité, enfin, à ce que la mesure et le poids s'y trouvent. Pensez-vous que de tels soins puissent être comparés à ces saintes et sublimes études qui vous révéleront la nature des dieux, leurs plaisirs, leurs conditions, leurs formes, vous feront connaître la destinée réservée à notre âme. Dans quel lieu doit nous placer la nature quand nous serons dégagés des liens corporels? Quelle puissance soutient, au milieu de l'espace, les corps les plus pesants, au-dessus les plus légers, porte la matière ignée dans les régions les plus hautes, imprime aux astres leur évolution, produit enfin mille autres phénomènes encore plus merveilleux? Voulez-vous, abandonnant la terre, élever votre esprit à ses hautes connaissances? Maintenant que votre sang circule avec chaleur et que vous êtes dans la force de l'âge, dirigez-vous vers ces objets dignes de votre préférence. Vous trouverez, dans ce genre de vie, l'enthousiasme des sciences utiles, l'amour et la pratique de la vertu, l'oubli des passions, l'art de vivre et de mourir, un calme inaltérable.